pourquoi le Front populaire dénonça les 200 familles. Le 28 octobre 1934, devant les délégués au congrès du Parti radical, Édouard Daladier prononça un discours dans lequel il affirmait que 200 familles sont maîtresses de l'économie française et, en fait, de la politique française. Ces propos faisaient allusion à la façon dont était alors dirigée la Banque de France. Fondée par Napoléon Ier en 1800, son règlement stipulait qu'elle serait placée sous la coupe des 200 plus gros actionnaires. Or, il ne s'agissait pas d'un établissement comme les autres, puisque la Banque de France est notre banque centrale, chargée de maintenir la stabilité des prix, de faciliter le financement de l'économie, d'imprimer les billets de banque, tout en contrôlant leur authenticité. On trouvait parmi ces 200 familles les grands noms de la finance et de l'industrie française de l'époque, mais aussi des notables qui avaient connu des revers de fortune depuis le XIXe siècle. Le mot d'ordre dénonçant leur toute-puissance était donc simplificateur. Ceci d'autant plus que les relations entre les sphères économiques, politiques et journalistiques étaient beaucoup plus complexes que ne le suggérait cette formulation. Le slogan s'attaquant aux 200 familles s'inscrivait dans une tradition polémique née au XIXe siècle qui s'attaquait à ceux que l'on surnommait aussi les requins de la finance. Néanmoins, affirmer que la critique des 200 familles est une thèse complotiste, comme on peut le lire dans la notice Wikipédia, est très réducteur pour deux grandes raisons sur lesquelles je m'arrêterai un moment. La première concerne le rôle que joua Édouard Daladier dans la diffusion de ce slogan. Cet agrégé d'histoire, qui fut l'un des principaux dirigeants du Parti radical, n'avait rien d'un révolutionnaire ni d'un complotiste. Il avait été ministre lorsque le cartel des gauches avait remporté les élections législatives de 1924. En tant que membre du gouvernement, il avait pu observer le rôle qu'avaient joué les manias de la finance pour entraver une politique qui visait à réduire les inégalités sociales. Le Parti radical avait alors dénoncé ce qu'il appelait le mur d'argent. La mise en cause des 200 familles, qui fit l'unanimité à gauche pendant le Front populaire, s'inscrivait dans le prolongement de cette critique du capitalisme. La seconde raison sur laquelle je voudrais insister concerne les contraintes qui pèsent sur le langage politique. Pour mobiliser les citoyens, il faut nécessairement trouver des formules qui font mouche. S'en prendre aux 200 familles, c'était un moyen de constater une vérité concernant le rôle dominant que les plus fortunés jouent dans notre société. Cette vérité était énoncée dans un langage simplificateur, voire simpliste, parce que, pour avoir un impact dans l'opinion, il faut que les réalités complexes au milieu desquelles nous vivons soient transformées en récits peuplés de personnages que les citoyens peuvent vénérer ou détester. Notons pour conclure que la campagne de la gauche contre les 200 familles ne fut pas inutile, puisque la Banque de France a été nationalisée en 1945.